perdu sur la route. Je te la prête, prends-en soin. Fais pas hella sur la route. On a grandi dans le besoin, mais faut toujours dire handou. Quand j'écoute demain, c'est loin, y'a rien qu'à changer du tout. Rata dans le saxo, les flics en Picasso. J'étais un bordélique, j'étais un petit cassos. J'étais dans la musique, j'étais moins au réseau. Et je voulais faire des tubes comme la section d'assaut. J'suis dans la zone et y'a les schmitts partout. Elle réveille, elle réveille juste à cartouche. Coupe au carré, coupe et tête danse partout. J'ai remarqué, elle me fait les yeux doux. J'ai pris la vodka et la suite. J'ai retourné le nouveau tel. Elle fait la toffe avec le fil, j'm'en fous même si c'est pas trop mon del. Poto, vas-y, rappelle vite. J'ai pas trop de nouvelles. Il s'est fait péter par les Schmitt. Y'avait deux plaquettes dans la poubelle. J'suis rapta, mais la soquette sur la lame. J'ai le vague à l'âme, ça m'a fait manger la lame. J'suis rapta, mais la soquette sur la lame. J'ai le vague à l'âme, ça m'a fait manger la lame. J'suis dans la zone et y'a les Schmitt partout. Elle réveille, elle réveille juste à cartouche. Les choses en boucle. J'en fous, tu m'as mis la dose en boucle. J'écoute Aya, mes carrés rouges en boucle. Groupe et tout, ça chante dans la douche en boucle. T'aimes trop répéter les choses en boucle. J'en fous, tu m'as mis la dose en boucle. J'écoute Aya, mes carrés rouges en boucle. Groupe et tout, ça chante dans la douche en boucle. J'aime trop répéter les choses en boucle. J'en fous, tu m'as mis la dose en boucle. J'écoute Aya, mes carrés rouges.